Partie 2 de 3 de l'enregistrement portant sur la fusion. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Certaines personnes dans cette existence-ci vont vivre la fusion et d'autres pas. Donc, autrement dit, si la personne a une structure énergétique qui n'est pas suffisamment solide pour être capable d'assumer la présence de l'esprit, il est de loin préférable que cette personne reste ignorante de l'esprit, qu'elle n'accède pas à cette conscience-là parce qu'elle ne serait pas capable de la contenir. Elle n'aurait pas une structure assez solide pour contenir cette vibration qui est extrêmement forte. Donc, à ce moment-là, c'est plus sage qu'elle continue à faire son train-train quotidien, qu'elle soit fonctionnelle en société, au lieu qu'elle vive la fusion et qu'elle devienne dysfonctionnelle dans la société parce qu'elle n'est pas capable de l'assumer. Donc, chaque chose vient en son temps. Et l'ego, de par son désir personnel, ne peut pas devancer le temps de la fusion. Donc, à ce moment-là, toutes les approches spirituelles, les techniques de méditation, les techniques de respiration, les traitements énergétiques, la prière, la méditation et différents éléments qui servent la spiritualité dans un cadre et dans un cadre de développement psychologique ne permettent pas la fusion. Parce que la fusion est toujours initiée par l'esprit. Et lorsque l'individu est inconscient, peut s'imaginer que s'il connaît la fusion, il va bénéficier de pouvoir au bénéfice de son ego, alors que c'est tout à fait le contraire. Parce que lorsque la personne vit la fusion, son ego doit s'harmoniser à la conscience de son esprit. Donc, autrement dit, la fusion n'est pas là pour répondre aux caprices de l'ego. Ce qui fait en sorte que lorsque l'individu est inconscient, il peut envier ceux qui vivent la fusion, mais lorsqu'il commence à vivre la fusion, il peut ne pas aimer ça et regretter d'avoir envié ceux qui connaissent la fusion. En ce sens que la fusion force une altération mentale de l'âme en évolution qui doit s'ajuster à l'énergie de l'esprit d'une manière continuelle et ça crée de la souffrance. Parce que l'âme qui est habituée, par exemple, de réfléchir, lorsqu'elle est en présence avec l'esprit, doit apprendre à communiquer avec lui, à savoir d'une manière instantanée. Bien entendu, les gens veulent avoir accès à l'intelligence, au savoir. Par contre, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ne veulent pas passer à travers le cheminement qui permet de développer ça. Un peu comme ça peut être le cas, par exemple, par rapport aux gens qui désirent d'être en forme physiquement, d'avoir une belle musculation comme ceux qui s'entraînent. Par contre, s'ils ne sont pas prêts à s'entraîner physiquement, à faire les efforts que ça nécessite en termes d'entraînement à chaque jour, à chaque semaine, eh bien, à ce moment-là, ils n'auront pas la musculation, la musculature. Donc, souvent, lorsque les gens regardent ceux qui vivent la fusion, ils peuvent être envieux de leur accès au savoir. Par contre, ça se peut qu'ils ne soient pas prêts nécessairement à faire tous les efforts que nécessite l'intégration vibratoire qu'ils connaissent. Donc, il y a un prix à payer. C'est comme la personne qui va être musclée sans faire les efforts pour être musclée. Vous voyez que quelque part, ça ne marche pas. Et vivre la fusion et intégrer de l'énergie de l'esprit, ça demande une force de volonté qui est considérable. Ça demande la capacité à l'ego d'être en mesure de s'harmoniser avec l'énergie de l'esprit et d'encadrer cette énergie dans ses débordements. Et l'énergie de l'esprit doit encadrer, pour sa part, l'ego dans ses débordements pour qu'il y ait un équilibre. Autrement dit, l'énergie de l'esprit va amener l'ego à vivre en fonction de ses besoins et non pas de ses désirs. Bien, l'ego peut désirer avoir une grosse voiture, une grosse maison, beaucoup d'argent dans son compte. Donc ça, c'est les désirs de l'ego. Et l'esprit peut amener à réaliser à l'ego que ses désirs, quelque part, sont futiles. En ce sens que le but de l'ego sur Terre, c'est pas nécessairement de devenir multimillionnaire ou multimilliardaire, c'est plutôt d'évoluer. Donc, l'esprit change la perspective de l'ego sur sa vie. Et lorsque l'ego goûte à une vibration et qu'il est créatif, il ressent moins le besoin d'accumuler les biens matériels pour remplir un vide intérieurement qui, en réalité, ne peut pas être comblé par l'accumulation de formes, parce que c'est un vide qui ne peut qu'être rempli que par la force et la puissance d'une vibration qui émane de l'esprit. Donc, autrement dit, le matériel, vous pouvez accumuler des collections de timbres, des collections de voitures ou de différents objets, mais jamais le fait d'accumuler des choses vous donnera accès à la paix mentale. Alors que lorsque l'individu vit la fusion, il réalise que la paix mentale ne peut que l'avoir que lorsqu'il vit d'une manière intelligente et en fonction de son évolution, c'est-à-dire du raffinement de sa psyché. Parce qu'une fois que l'individu va avoir quitté le plan physique, qu'il fusionne ou qu'il fusionne pas, la seule chose qu'il va amener avec lui, c'est sa conscience. Que lorsque les gens ne vivent pas la fusion, ils ne sont pas en mesure de comprendre parfaitement à quoi consiste la fusion, étant donné qu'ils ne vivent pas, n'en font pas l'expérience. Ils ne sont pas également branchés sur l'esprit qui peut leur expliquer en quoi ça consiste. Donc, ils sont ignorants, donc ils peuvent s'imaginer plein de choses concernant la fusion. Souvent, c'est des belles choses et souvent, leur ego est déçu parce qu'il doit s'adapter à l'esprit. Et l'esprit aussi, ça, c'est un autre aspect qui est extrêmement important de tenir compte, c'est que l'esprit également doit faire son bout de chemin et s'adapter à l'ego. Autrement dit, l'âme en évolution doit être capable d'encadrer l'énergie de l'esprit. Parce que si, par exemple, un individu qui commence à vivre la fusion, il a accès à un peu plus de créativité, qu'auparavant. Donc, autrement dit, des idées créatives, il y en a de plus en plus dans son quotidien. Et lorsqu'il les reçoit dans son mental, il peut les prendre en note et prendre ça en note sur papier, écrire, écrire, écrire, écrire. Et à un moment donné, l'individu doit être capable de mettre un stop à l'esprit. En ce sens que si l'individu, à tout moment de la journée, avec un carnet-notes, se met à prendre des notes, eh bien, il peut connaître éventuellement de l'insomnie. Autrement dit, lorsqu'il est couché, il peut venir dans son mental des idées créatives, et s'il les prend en note à chaque fois, ben l'esprit, il voit que ça fonctionne, sa stratégie, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer, il en acheminer. Puis plus qu'on achemine, plus que l'individu il prend en note, plus qu'il trouve ça intéressant, plus ça le met dans une vibration de communication avec l'esprit, plus que ça le met dans une vibration où ce qu'il est en état d'échange avec l'esprit, et plus qu'il est dynamisé vibratoirement, mais la problématique, c'est que ça peut l'amener à avoir un sommeil qui est plus léger et éventuellement, s'il ne met pas ses limites, de souffrir d'insomnie. Autrement dit, la fusion, et ça c'est un élément important, c'est un processus à deux niveaux. C'est-à-dire que l'ego doit s'ajuster à l'esprit et également l'esprit doit s'ajuster à l'ego en évolution. Donc une harmonie qui doit se faire entre les deux. Autrement dit, en début de fusion, parfois il y a des gens qui vont mettre leur esprit sur un piédestal, ils vont s'imaginer que l'esprit est amour, l'esprit est lumière. L'esprit est bienveillant pour eux, l'esprit est là pour répondre à toutes ses attentes, à tous ses désirs. Tôt ou tard, il va être obligé de connaître et reconnaître la vraie nature de son esprit. L'individu qui est naïf et qui connaît une conversation interne, donc il parle dans sa tête avec son esprit, l'esprit lui répond. Eh bien, s'il est dans la croyance, il peut être manipulé par son esprit. L'esprit peut l'amener, par exemple, à surconsommer, à se lever plusieurs fois par nuit pour prendre des notes, à faire différentes choses qui ne sont pas nécessairement tout le temps intelligentes, parce que ça peut l'amener à perdre de l'argent sur la bourse ou à un jeu de casino, à la loterie. Donc, si l'esprit dit dans la tête à l'individu de prendre son argent et de tout miser à la loterie, eh bien, l'individu S'il croit tout ce qui est dit dans son mental, il peut éventuellement être manipulé par l'esprit et en payer une facture qui peut être extrêmement élevée si, par exemple, il mise toutes ses économies dans des jeux de hasard. Donc, si l'individu suit aveuglément l'esprit, dont il perçoit sa présence au moment de la fusion, et comme un disciple qui va suivre aveuglément ce que lui dit son maître, eh bien, à ce moment-là, l'esprit a une ascendance sur l'individu et peut s'amuser avec l'individu à le manipuler. Et c'est au fur et à mesure que l'individu intègre sa fusion qu'il va maturer dans sa relation avec l'invisible, que ce soit par rapport à son propre esprit ou aux entités astrales, parce que la fusion donne accès à la capacité à l'individu qui est de plus en plus grande à contester les entités dans l'invisible, étant donné que lorsqu'il vit la fusion, il devient de plus en plus investi de l'énergie de sa contrepartie cosmique qui lui donne une autorité. La fusion amène l'individu à agir avec intelligence de plus en plus. Plus qu'il intègre la fusion, plus qu'il agit avec intelligence, moins il est capable également de réfléchir, parce qu'il ne fonctionne plus avec l'intellect, il fonctionne tout simplement avec une capacité de canalisation instantanée qui l'amène toujours à définir ce qui est réel dans l'immédiat d'une manière créative. La meilleure façon pour un individu de démystifier le phénomène de la fusion, c'est de le vivre, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est à travers le vécu et l'intégration de l'énergie, à travers les échanges entre l'âme et l'esprit, que la compréhension des implications et des enjeux également qui se rapportent à la fusion se font naturellement. Les implications qui se rattachent à la fusion sont voilées à l'individu tant aussi longtemps qu'il n'est pas destiné à la connaître. Autrement dit, tant que la personne n'est pas prête à vivre la fusion, en général, ça ne l'intéressera pas d'entendre parler de la fusion, de connaître en quoi ça consiste. Il peut être faussement amené à s'intéresser à la fusion s'il est investi d'une entité astrale qui a la curiosité de savoir qu'est-ce qui arrive lorsque la personne vit la fusion. Mais si c'est une curiosité mal placée, cette curiosité-là ne permettra pas à l'individu d'accéder au savoir et de comprendre réellement en quoi consiste la fusion. L'individu qui ne conçoit la fusion que sur le plan astral peut être victime de mystifications dans son mental qui vont l'amener à croire que la fusion va l'amener à être immortel sur le plan physique. Certaines personnes vont s'imaginer que la fusion va permettre nécessairement à l'individu de se dématérialiser à volonté, d'avoir accès à une santé qui est parfaite, alors que ce n'est pas nécessairement ça. Parce que le but fondamentalement de la fusion est de permettre à l'individu de gérer éventuellement son mental d'une manière intelligente en fonction de l'unité âme-esprit qui est constituée d'une manière permanente. Donc fondamentalement, c'est ça, la fusion ne protège pas l'individu contre la maladie, ne l'empêche pas nécessairement de mourir, ne l'empêche pas de connaître des accidents sur le plan physique, parce que en fait, l'individu n'a pas nécessairement l'autorité au niveau de son ego, de commander aux événements qui se réalisent comme son bon vouloir. Par contre, si la vibration de l'esprit est alignée avec celle de l'ego et que les deux perçoivent que c'est intelligent qu'il n'y ait pas d'accident, bien à ce moment-là, il n'y aura pas d'accident. Mais c'est l'esprit qui va amener l'ego à s'élever en intelligence à son niveau et éventuellement, quelque part, adapter son même point de vue lorsque l'ego sera libéré du plan astral qui l'amenait à avoir un point de vue qui est adverse.